Groom et BBC Productions présentent les Little Rabbits en concert au Globe le 21 mars à 20h30. Les Little Rabbits, forts de leur album grand public qui nous titille les oreilles de façon inattendue, de quelques années d'expérience et de centaines de concerts, seront dans votre ville le 21 mars. Sylvain Vanneau en première partie, puis des Little Rabbits, c'est le jeudi 21 mars 1996 à 20h30 au Globe. Le Globe, 63 quai Joseph Gillet, Lyon 4e. Le prix des places est de 85 francs en location ou 95 au guichet. Profitez-en. Avant que vous n'appeliez, je vous rappelle les références du disque qu'on vient d'entendre, qui est effectivement superbe, en tout cas pour son dernier morceau. Ça s'intitule Strictly, donc strictement en français, Inc. Incorporated, donc inclus, limité, comme une association, comme une société à responsabilité limitée. En fait, derrière ce nom un petit peu barbare et puis une pochette qui est pas très engageante, hein, des dessins un peu punk, on trouve donc un nouvel album de Tony Banks, le claviériste de Genesis, et on trouve ce morceau, Une île dans l'obscurité, An Island in the Darkness, voilà. C'est sur Virgin et ça date, vous saurez tout, ça date de 95, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Ce qui vient de sortir également, c'est ce qu'on va vous passer maintenant. Trois choses assez fortes au niveau production, au niveau guitare et au niveau prog en général. Tout d'abord Galleon et ensuite The Flower Kings. Donc, et le troisième, je vous dis rien du tout, c'est la surprise. Restez bien à l'écoute, vous en aurez pour votre argent, puisqu'il y aura une exclusivité... une dizaine de jours avant la sortie officielle, et il y aura également des cadeaux à gagner, j'en dis pas plus. Pour les deux que je viens de mentionner, Galleon et The Flower Kings, Galleon c'est un groupe suédois, et The Flower Kings c'est également suédois, c'est un groupe en fait qui abrite en son sein Juan Stolt. Et oui, ça y est, vous allez vous dire, ça y est, The Flower Kings, voilà. Et bien The Flower Kings c'est le nom du groupe maintenant, où officie Juan Stolt, l'ancien guitariste de Kaipa. Nouvel album, Back in the World of Adventures, de retour dans le monde des aventures. Et vous allez voir, c'est de toute beauté. On passe tout de suite quand même à Galleon, troisième album de ce groupe scandinave, The All European Hero, le héros complètement européen. C'est le titre de l'album et du morceau que je vous propose, Galleon. We could control the light. BBC Productions et Brume présentent Mud en concert. Yarol, Melville et Hopi vous attendent de pied ferme pour une performance sans complexe et exceptionnelle d'énergie le mercredi 20 mars au Globe à 20h30. Alors, pour vous nettoyer les oreilles, retenez ça. Mud, le 20 mars au Globe, 63 quai Joseph Gillet à 20h30. Pas mal du tout ce troisième album, déjà donc des Nordiques de Galéon, donc des All European Heroes, ça vient de sortir, c'est tout neuf. Je rappelle à nos très chers auditeurs, avec un grand Z, que nous avons aujourd'hui un invité très très spécial, Jeff. Voilà, Jeff donc est venu à un double titre à la fois comme animateur radio sur... Sur FC Radio, donc où j'anime une émission de métal en tout genre, le vendredi de 21h à 23h, du Death, du Black... Donc on se le dise dans les chaumières. Voilà, et également grand amateur devant l'éternel de progressif. Oui, effectivement, dont je rappelle les groupes préférés, les groupes phares Genesis, dont First l'époque, parce que maintenant je déteste, Camel, Marillion, IQ, Palace, Pendragon, Yes, et entre autres Pat Jean et Gérard. Raconte-nous un tout petit peu, tu as quelques souvenirs fantastiques avec Ange et Marillion, époque Fish, je crois que tu les as croisés, tu as suivi tous leurs concerts, tu as même fraterniser un petit peu avec le père des camps et le père Fish, je crois. T'as quelques souvenirs ? Disons, plus avec Marillion, parce que Fish, bon, je correspond avec lui. Fish est un pote. J'ai dansé avec lui le jour du concert quand ils sont passés au Transborder, oui. Quoi dire ? Bon, Marillion, première époque, bien sûr, maintenant, c'est plus... comment je peux dire ? Cool, quoi. Je préfère le style première époque, ouais, c'est vrai. T'as pas craqué sur Brave et la vidéo entre autres. Brave c'est bien, ça ressemble un petit peu, c'est trop cool, c'est trop cool. Ça manque un peu de pêche alors. Voilà, moi j'adore bon, sur le premier script, Fugazi, Miss Place Shalwood, je les ai vus 11 fois. D'accord. Je suis allé à Paris, je les ai vus à Annecy, je les ai vus à Nice, je les ai vus à Lyon, n'en parlons pas. Je rappelle quand même que Carole, si elle m'entend, Stéphanie, que je suis bien branché sur Radio Brume, qui peuvent me téléphoner. On dit Brume tout court. Radio Brume, voilà. Je sais pas, c'est la première fois que je suis invité dans cette station. Elles peuvent m'appeler, tu peux rappeler le téléphone. 78 25 2000. Notez-le bien, tout à l'heure, vers 11h15, avant notre coup de cœur du mois et notre... exclu du mois, il y aura un cadeau, deux cadeaux même à gagner. Je peux rappeler ce que je vais passer plus tard, disons. Alors, bah écoute, voilà. Effectivement, après notre petite surprise, eh bien, on te donnera l'antenne et tu nous passeras un petit peu de ta musique, donc Death, Dark, Gothic et autres, voilà, qui se rapprochent quand même du progressif. Le plus cool, j'ai choisi les morceaux les plus cool dans Akhenaton, ouais. Qui est un groupe français, My Dying Bride, c'est un groupe anglais, et Land, qui est une osmose de d'Autrichiens et de Français, et puis Paradise Lost, qui est pour moi le groupe phare, qui est passé des, comment je pourrais dire, issu de mouvements death metal de la fin des années 80, et maintenant bon, qui est passé dans un heavy avec une voix death gothique. Mais j'ai choisi les morceaux les plus cool, et puis enfin, je pense ce qui plaira le plus aux auditeurs de ce style de musique, c'est My Dying Bride et puis Eland. À une question qui me brûle les lèvres, et puis un débat qu'on a abordé plusieurs fois ensemble. C'est est-ce que le def, enfin, je sais pas comment tu l'appelles autrement, le trash, est-ce qu'il non, a non pas le trash non. Bon, le def, est-ce que lui il a une audience forte à la fois au niveau des médias et au niveau des disquaires, ou est-ce qu'il retrouve la même marginalisation que le progressif? Marginalisation, tout à fait. C'est-à-dire, est-ce que on est un peu, est-ce que vous êtes des rejetés un petit peu, mis à l'écart, et vous avez des problèmes pour diffuser, trouver les disques et vous faire entendre, ou est-ce que finalement ça se passe pas trop mal? Ben, disons qu'on est marginalisé, c'est sûr, comme vous. C'est une musique qui n'est absolument pas commerciale, bien sûr. Malheureusement, et je dis ça aux producteurs, pas méchamment, mais enfin, je le dis quand même, quoi. Les grosses radios ne passent pas parce que c'est pas commercial. Pour trouver, non. Il y a des, comment dirais-je, des leaders, des labels qui vendent, comme Adipose Records ou Osmose Productions, qui sont les plus gros labels, enfin les plus gros distributeurs et labels de France et de Navarre. qui distribuent, c'est, on trouve énormément de groupes death. Ouais, mais en fait, le death est en perte de vitesse maintenant. Je pense que le gothique et le black viennent prendre la relève du death, quoi, en fait, si je veux dire. Mais est-ce que tu arrives à faire ton petit marché tranquille à la FNAC ou tu es obligé de commander par correspondance ? Commander par correspondance, disons que bon, je reçois pas mal de choses enfin, dans la radio. Oui, enfin l'amateur lambda et tout. Non, disons qu'à la FNAC, bon, il y a les grosses machines. Hein, en black, c'est pareil. Non, je trouve pas. C'est pas le pied, quoi. C'est pas le panard. Et au niveau des concerts, ça attire combien de personnes ? Alors, je peux rappeler, justement, qu'il y a un concert le 24 mai, avec Impaler Nazarene. Bon, les noms de groupes vont vous surprendre. Il y a Impaler Nazarene, il y a Immolation. Il y a exactement 4 groupes avec Cannibal Corpse aussi et Vader en groupe polonais et Dark Tranquility qui est sorti justement sur Osmos Production pardon. Et voilà, donc à peu près tout, mon bon Thierry. Tiens, riz. Dis-moi une dernière petite précision avant qu'on lance One Stall. Différence entre Black, Dev et Trash. Ou donne-moi des grands noms pour qu'on puisse s'y retrouver. Parce que pour nous, c'est un petit peu flou tout ça. Bon, dans le Trash, il y a Slayer. Les points de repère, les grosses machines. Dans le death, il y a Morbid Angel. Et dans le black metal, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Dark Throne, Mayhem, tous ces. Mais enfin, bon, il faut être de la partie pour connaître tout ça. Mais enfin, les gros groupes sont Slayer dans le trash, donc Morbid Angel dans le death. Et dans le black, il y a Immortal, il y a. Enfin, tous ces groupes-là, quoi. Dark Throne. Et voilà, donc je te laisse la parole. C'est déjà qu'il est 11h05. On attaque ou pas ? On continue avec donc Juan Stolt, je pense que tu l'avais passé cet album, ouais, ce guitariste très très chouette, ça a été notre sensation, notre coup de cœur de l'année dernière, il avait été interviewé d'ailleurs dans Acid Dragon, pub. Donc il nous revient un petit peu déguisé avec The Flower Kings, mais enfin c'est un clin d'œil à l'album précédent, en fait le titre de l'album précédent est devenu le nom du groupe. Voilà, pour être plus clair, et c'est un album qui s'intitule Back in the World of Adventures, donc de retour dans le monde des aventures. Vous allez voir, c'est presque aussi bien, peut-être un petit poil dessous. Il y a Jeff qui me fait des grands signaux derrière la vitre. Je voulais dire que les auditeurs de l'émission de Thierry, il ne faut pas qu'ils s'en aillent parce que je suis un animateur sur une autre station radio où je passe du death, du black. Bon, ce que je vais passer, donc Akhenaton, My Dying Bride, Eland et Paradise Lost, sont des morceaux qui peuvent très bien écouter, qui ne soient pas sectaires et qui restent, parce que moi je ne le suis pas sectaire. J'aime autant le progressif que le death, le black, je suis très ouvert à tout. Donc il faut qu'ils restent et qu'ils disent pas wow, c'est du caca, c'est de la merde, bon, on passe un petit peu. Hein, donc qu'ils restent et après ils jugeront et ils diront, ils porteront une opinion sur ce que j'ai passé. Voilà, je te laisse la parole, mon bon Thierry. Non, mais je les connais assez bien, c'est des gens qui sont ouverts et qui sont qui s'intéressent, qui sortent un petit peu, qui aiment bien sortir des sentiers battus, donc ils sont pas sectaires ni fermés à la nouveauté. Voilà, on passe tout de suite donc One Stolt de Flower Kings. sonical changes, a radical strangeness, and I don't know why. We run the fields in a summer night, and silent kisses in black and white, and we make footprints on a high ground. We're children. I'm

Banana peels, that's the latest kick these days. Red Jones swears he saw one of the long-haired freaky people in a Winn-Dixie supermarket with a banana peel. He says, hey man, how about a refill? Dr. Domrose, boom, boom, the funny DJ, boom, boom, boom, boom, boom, floats the jokes right down the drain. Boom, boom, boom, boom, boom, boom. First time I heard this one, my left ear fell off. The Turtles, happy together. Happy? I'm ecstatic. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. The Flower Kings, les rois fleurs. Derrière ce titre un petit peu cucu-concon, un album de toute beauté, Back in the World of Adventures, de retour dans le monde des aventures. C'est le nouvel album de Juan Stolt. The Flower Kings, c'était son précédent album. Et n'oubliez pas qu'il a joué dans Kaipa, le groupe suédois. Voilà, je laisse la parole à notre ami, donc Jeff, notre invité, puisqu'il va vous annoncer l'exclu du mois, et c'est... Pendragon. Pendragon. Donc, je crois que tu veux faire gagner un mini CD, c'est ça ? Il y en a deux. Il y en a deux. Donc, il y en a deux. Donc, au 10e et 11e appel, le mini CD de Pendragon sera gagné. Pointe à la ligne. On rappelle le numéro de téléphone, 78 25 2000. Et en exclu, vous l'avez avant le 23 mars, c'est sa sortie officielle, Pendragon de Masquerade Overture. C'est en exclu sur Bande à part, l'émission du rock progressif. Thank you.